Donc, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Inès Segonda de Montesquieu et je suis responsable du pôle éditorial au sein du CLEO, le Centre pour l'édition électronique ouverte. Alors donc je vais vous présenter pendant une heure et demie, deux heures, voilà, la typographie pour le web. Alors avant de commencer à rentrer dans le cours, dans le sujet, j'aimerais d'abord vous présenter un peu quel est mon parcours, pour vous dire un peu quelle est mon approche de la typographie. Et voilà, pour cerner un peu ce que je vais dire par la suite. Donc voilà, j'ai fait des études de littérature, donc de lettres modernes, suivi d'un DESS d'édition et de communication. Donc dans un premier temps, j'ai fait différents stages dans l'édition papier, dans différentes maisons d'édition, ce qui m'ont permis d'entrevoir un peu quels étaient les différents acteurs de l'édition papier, la chaîne de l'édition, etc., ainsi que certains éléments de typographie. Et je suis très vite rentrée à revue.org, donc j'ai vite changé de spécialité. Et donc je suis arrivée à revue.org en 2004. Donc en 2004, c'est il y a 5 ans, mais ça paraît très loin en termes de conception de site web, etc. Donc pour vous expliquer un peu au tout début comment ça se passait, donc je suis arrivée en 2004, il y avait 25 sites de revues en ligne. On commençait tout juste à faire appel à des intégrateurs web, donc les personnes qui vont concevoir les maquettes des sites, enfin les fabriquer, donc intégrer le travail du graphiste sur le web. On a commencé tout juste à faire appel à des graphistes pour mettre en place en fait des maquettes génériques de sites pour les revues. Donc c'était vraiment pour vous dire qu'au début on était dans un véritable tâtonnement. Donc voilà, avec un travail de réflexion, de recherche avec les différents métiers, les graphistes, les intégrateurs web, et on tâtonnait, on a tâtonné pendant 5 ans et on va encore le faire pour essayer d'améliorer la lisibilité des revues qui sont en ligne, des textes en ligne et tout ce travail-là. Donc ça, c'est typique de l'édition électronique et de la typographie pour le web. C'est un travail qui se fait en tâtonnant, en recherchant. Donc voilà, c'était aussi pour vous dire que je ne suis pas une spécialiste de la typographie, je ne suis pas non plus une graphiste, je viens plutôt du côté de l'éditorial, et c'est par ce travail de réflexion qu'on a pu mener avec les différents métiers que voilà, j'ai établi une certaine recherche sur la typographie, et justement ce cours m'a permis en quelque sorte de théoriser certaines conclusions qu'on a eu pour nos sites en termes de choix typographiques, et peut-être de faire évoluer encore à l'avenir, grâce aux recherches que j'ai pu mener, la typographie de nos sites web. Voilà, alors. Alors, pour commencer en introduction, je vais aborder quelques définitions. La notion de typographe pour le web, qu'est-ce que c'est, quels sont les objectifs, etc. Donc, alors, le terme typographie est né au XVIe siècle avec l'introduction de la presse à imprimer. Il est apparu en 1557 et créé à partir du préfixe typo, qui est la marque, l'empreinte laissée par quelque chose, et graphein, qui est le verbe écrire, donc écrire par empreinte, par la marque. Donc la typographie, donc ce terme renvoie à différents sens dans le courant de l'histoire. Le premier sens, c'est le procédé technique. Donc le procédé technique de reproduction des textes par utilisation de caractères en plomb mobile qu'ils vont imprimer en relief, en opposition à la lithographie, qui est un procédé d'impression par report. Le second sens du mot typographie renvoie à l'art typographique. Là, je pense à la composition typographique. On parle souvent d'une belle typographie pour faire référence à la composition typographique d'un ouvrage. Le troisième sens était à l'origine le lieu d'impression, cet atelier où travaillaient tous les typographes à composer les caractères en plomb. Alors, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que le terme typographie et imprimerie ont été pendant très longtemps concurrents, alors qu'on utilisait le terme imprimerie pour les trois différentes acceptions, les trois différents sens que je vous ai présentés. Et aujourd'hui, les termes se spécialisent bien. L'imprimerie, c'est quelque chose de très, un terme qui est bien établi. On fait référence au procédé d'imprimerie, au lieu d'imprimerie. Tandis que la typographie, c'est peut-être plus spécialisé et moins courant. est devenue peut-être aussi un peu plus vague. Donc, quand on pense à typographie, on renvoie à la recherche ou la création de polices de caractère. On peut également renvoyer à la composition d'un ouvrage, mais peut-être plutôt dans les acteurs de l'édition, le métier plutôt spécialisé, et ainsi qu'à l'application des règles typographiques qui permettent de correctement présenter un texte. Donc, selon moi, la typographie touche un domaine beaucoup plus large que la simple création de polices de caractère ou correction de texte. Donc c'est ça un peu que je veux montrer, que la typographie c'est beaucoup plus large, ça touche au texte et au contexte de ce texte, et c'est la même chose pour la typographie pour le web. Alors ce qui est intéressant, enfin là c'est une petite anecdote, j'ai cherché typographie pour le web sur internet, qu'est-ce qu'on trouve dans Wikipédia par exemple? Déjà il n'y a pas d'article sur la typographie pour le web sur Wikipédia en français. Et sur Wikipédia en anglais, web typographie, il est dit que ça fait référence, le terme renvoie à l'utilisation des polices sur le web. Donc c'est quand même très restrictif, et on voit que la typographie pour le web, bien souvent, c'est réduit à un choix de police. Donc vraiment, l'idée de ce cours, c'est aussi de dire, réfléchissons à la typographie d'une manière beaucoup plus ample et importante, plus large. Alors voilà, je me posais une question, qu'est-ce qu'un typographe aujourd'hui ? Avant, le typographe était un ouvrier typographe ou un concepteur de typographie. Les maisons d'édition faisaient souvent appel à des typographes pour concevoir des chartes typographiques pour leur collection de livres de poche, pour leurs livres. Maintenant, c'est un métier, on n'arrive plus vraiment à le cerner. Qu'est-ce qu'un typographe ? Alors, dans les maisons d'édition, on fait peut-être moins appel maintenant à des typographes pour concevoir les chartes typographiques des ouvrages. Maintenant, ce sont plutôt les graphistes qui vont faire la mise en page, la conception, les maquettistes, les infographistes qui vont intégrer le texte, et les secrétaires de rédaction qui vont corriger les textes. Donc, qu'est-ce que le typographe maintenant ? Et en plus, qu'est-ce qu'un typographe pour le web ? Alors là, c'est encore plus flou. Est-ce que c'est le webmaster, le webdesigner, le concepteur-rédacteur de site web ? Où se situent toutes ces différentes compétences en termes de typographie ? Elles se sont sans doute diffusées dans les différents corps de métier et peut-être un peu perdues, il faut le dire. Alors ensuite, quels sont les objectifs du typographe et de la typographie ? Le premier objectif, c'est de rendre le texte lisible, rythmé et esthétique. En fait, le typographe a pour objectif de servir le texte pour que la forme mette en valeur le sens, par exemple, de l'ouvrage. Alors là, je voulais vous donner quelques citations qui me semblent importantes pour la typographie. Alors tout d'abord, un théoricien de la typographie, Robert Bringhurst, nous dit, là je n'ai pas traduit en anglais, il dit qu'un des principes d'une typographie qui s'inscrit dans le temps a toujours été la lisibilité. On est d'accord avec ça. Une autre chose, c'est un autre principe, et plus que la lisibilité du texte, c'est une chose méritée ou non, qui donne son énergie à la page, son dynamisme à la page. Donc on a ces deux choses-là qui sont dites dans cette citation. Ensuite, il y a un typographe que j'apprécie beaucoup, dont j'apprécie beaucoup les textes, qui s'appelle Jan Tierhold. J'espère que je prononce bien, nous dit qu'une lisibilité aisée est le principe directeur de toute typographie. Et là, il oppose deux choses. Se laisser déchiffrer ou offrir une lisibilité idéale sont deux qualités opposées. Voilà, donc là, on a bien la notion de se laisser déchiffrer, qui est souvent quelque chose qu'on rencontre dans la typographie pour le web et plus généralement dans d'autres typographies. Alors maintenant, j'aimerais distinguer deux conceptions de la typographie. On fait souvent un amalgame entre graphisme et typographie. Le graphisme peut utiliser la typographie comme un outil pour exprimer un style personnel, alors que la conception plus traditionnelle de la typographie, c'est peut-être plutôt, donc elle a été défendue par Jan Tierhold, c'est plutôt de servir, d'être invisible, que le typographe soit invisible pour servir le texte. Là, je vais reciter encore quelques mots de Tirole, qui dit que le travail de l'artiste du livre se distingue essentiellement de celui d'un graphiste. Tandis que ce dernier, le graphiste, est constamment à la recherche de nouveaux moyens d'expression, avec au moins le désir d'acquérir un style personnel, le maquettiste du livre doit être le serviteur fidèle et plein de tact du mot écrit. Le but du graphiste est la réalisation de soi-même, alors que la tâche d'un artiste du livre, conscient de ses responsabilités et de son devoir, est de se dessaisir de lui-même. Dans le livre même, l'oubli de soi est le devoir suprême du graphiste responsable. Il n'est pas le maître du texte, mais son serviteur. Bon, alors c'est très rigoureux comme citation, hein, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement traditionnel. Mais bon, pourquoi une telle rigueur ? Peut-être parce que le livre doit traverser les siècles. Il doit s'inscrire dans une durabilité et dans une lisibilité qui soit durable. Alors on peut aujourd'hui lire des livres composés à la Renaissance et qui sont pour nous tout à fait lisibles. Alors que peut-être que certains textes imprimés au début du XXe siècle avec des typographies, des polices très stylisées, sont beaucoup moins lisibles pour nous alors que c'est plus proche dans le temps. Voilà, ça c'était un élément important parce qu'on retrouve encore un peu cet amalgame entre graphiste et typographe. Typographie comme devant servir le style personnel du graphiste, alors que justement ce n'est pas le but de la typographie. Et on voit vraiment ça beaucoup dans la typographie sur les sites web, cette importance du style personnel au détriment peut-être du texte et de la lisibilité du contenu. Donc on voit que la typographie est, par son origine, fondamentalement ancrée dans la culture de l'imprimé. Elle tend, on ne sait pas trop si ça devient un art graphique, une spécialité graphique, ou on ne sait plus quel est le métier en lui-même. Alors, qu'en est-il de la transposition de la typographie sur le web ? Voilà, moi ce que j'aimerais un peu vous dire dans ce cours, c'est que comment peut-on récupérer tout l'héritage typographique qu'il y a l'édition papier, dans la tradition de l'imprimé ? Donc, comment peut-on récupérer le plus possible de choses ? Quelles sont les contraintes du support web et comment peut-on les contourner et quelles solutions peut-on trouver ? Alors je vais aborder mon cours en trois parties. Tout d'abord, je vais aborder des notions de typographie et une petite histoire de la typographie, mais surtout son émergence, l'émergence de la typographie dans le web, donc avec tous les débuts du web qui sont quand même très intéressants. Ensuite, en deuxième point, j'aborderai des éléments de micro-typographie, c'est-à-dire comment améliorer la lisibilité des textes. Donc vraiment, je vais parler plutôt du texte. Et enfin, j'aborderai ce qu'on appelle la macro-typographie. Là, c'est plutôt le contexte au texte, enfin, c'est la composition plutôt de la page, pour améliorer la lisibilité du site en général, et la lecture cognitive, la compréhension du site web, savoir où sont les éléments importants de la page, enfin, comment travailler ça. Donc, Alors la typographie et son émergence sur le web. Voilà, je vais d'abord aborder quelques notions qui sont, il y a peut-être beaucoup de personnes qui connaissent tout ça par cœur, mais ça me semble important de revenir sur des bases si certaines personnes ne les connaissent pas. Donc les polices de caractère sont généralement classées en grandes familles de polices. Donc les plus connues sont les polices sérif et sans sérif, donc c'est deux grandes familles, les polices sérif étant les polices à empattement, comme le Times, le Garamond, et les polices sans sérif sont les polices sans empattement, elles sont également appelées les linéales, ou les sans sérif, les bâtons. Donc on a l'Arial, le Verdana, qui sont les plus communes sur le web. Il y a aussi d'autres grandes familles de caractères, comme les caractères monospace, il me semble, où toutes les lettres ont la même largeur, comme le courrier new, aussi des polices un peu fantasy et cursives, les polices cursives qui veulent imiter en fait l'écriture à la main. Ah oui, non, ça, je ne vous ai pas montré. C'était, bon, c'est pas très grave. Là, pour revenir sur un exemple de typographie utilisée comme outil de, d'expression graphique, c'est ce qu'on appelle la typographie expressive. Petite parenthèse refermée, on retourne à l'anatomie du caractère. Voilà, donc, il y a énormément de sites sur la typographie sur Internet qui expliquent toute l'histoire de la typographie, un certain nombre de choses. Donc, je vous laisse peut-être, si vous voulez vous intéresser plus, regarder ça par vous-même. Voilà, juste ce que je voulais dire, c'est que, donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la ligne de pied, la hauteur d'X d'un caractère, la hauteur de capital, le corps d'un caractère qui se calcule par la ligne haute de la majuscule et la ligne basse du caractère. Donc, l'unité de base en typographie est le caractère minuscule, et le corps est ainsi défini par cette taille-là. Donc, une constante dans la mesure du caractère en typographie, c'est le point. On voit encore aujourd'hui qu'on va calculer, qu'on va dire Police Times encore 12 points. Alors, sur le support électronique, on va définir le corps d'une police par une propriété CSS. Donc, je parlerai un peu des CSS tout à l'heure. Qui est le font size, qui indique la hauteur de ligne entre le sommet de la majuscule et le bas d'une lettre à jambage. Donc c'est vraiment typiquement le corps. Et on va exprimer la taille de ce corps en ce qu'on appelle les EM. En fait, c'est ce qui permet de définir les tailles de police en pourcentage, de manière relative, et pas de manière fixe, définitive, qui est le pixel. Ensuite, les caractères informatiques. Alors, on va tout petit peu revenir sur qu'est-ce qu'un caractère informatique aussi, très rapidement. Le caractère informatique, c'est avant tout une donnée. Par exemple, la lettre A a pour caractère le nombre 65 en Unicode. Le caractère se distingue du glyphe, hein, qui est le dessin de la lettre. Et par exemple, quand on a un caractère A en minuscule, on peut avoir un glyphe italique, un glyphe gras, un glyphe semi-gras, donc différents dessins de cette même lettre. Voilà. Alors, la problématique des polices de caractères, il faut revenir un tout petit peu sur l'encodage des caractères. Ça, c'est un élément important. Au tout début de l'ère informatique, les caractères étaient codés en ASCII. Donc c'est très peu de caractères pouvaient être mis en place dans ces jeux de caractères. Donc par exemple, dans certains encodages, on n'avait pas le E accent aigu français. Donc il fallait multiplier les encodages pour avoir le plus de langues possible. Et chaque donnée derrière un caractère pouvait renvoyer à plusieurs caractères dans différents jeux. À partir de la fin des années 90, c'est l'Unicode qui s'impose. L'Unicode, c'est une norme qui vise à donner à chaque caractère un code unique. Donc c'est extrêmement important, qui permet par exemple d'afficher dans une même page des caractères en arabe, en chinois, en français, etc. À partir du moment où la police utilisée comprend bien tous les caractères de toutes ces langues. Sont dessinés dans l'Unicode. Donc un code unique à chaque caractère. Et ça de manière unifiée et quel que soit la plateforme, etc. Donc ça c'est une grande avancée dans la typographie pour l'œuvre notamment. Donc ensuite en termes de police. Les polices sont développées ont été développées principalement par Adobe, par Microsoft et Apple. Donc là, j'introduis encore une nouvelle notion qui est la notion de l'open type. L'open type qui est un format qui s'impose maintenant et qui a été développé par Adobe et Microsoft. Début 2002, toutes les polices ont été converties en Unicode avec open type. Donc l'apport de l'open type pour la typographie, qu'est-ce que c'est ? Ce sont donc tout d'abord l'indépendance de plateforme. On a des polices qui fonctionnent sur Mac, sur Windows, sur toutes les plateformes. Et ce sont tous les enrichissements typographiques qui sont apportés par l'OpenType. On a des ligatures, on a différentes glyphes pour un caractère. On a le A semi-gras, par exemple, dans une police OpenType. On a plusieurs dessins donc, qui permettent d'avoir vraiment une finesse typographique. Parce qu'il faut savoir qu'avant l'OpenType, on n'avait pas forcément de police italique de caractère. Donc on avait un caractère A qu'on basculait en oblique pour avoir l'italique, sans redessiner le caractère pour avoir l'italique plus juste. Le problème de l'OpenType, c'est que malheureusement, c'est très utilisé en PAO, partout, sur tout ce qui est imprimé, mais pour le web, c'est une autre paire de manches. Le PoeTime n'est pas du tout répandu dans l'affichage des sites web, et ça, on verra un peu après pourquoi et peut-être quelles seraient les solutions à venir dans l'utilisation de l'OpenType, même si moi, je ne suis pas non plus très technique en la matière, donc c'est juste des notions qu'on abordera. Alors ensuite, le bouleversement des années 1980, ça c'est un petit retour historique sur un des bouleversements en termes de typographie. Donc c'est l'arrivée de la micro-informatique et des logiciels de PAO qui démocratisent en fait l'accès à la création des documents. Donc beaucoup de perturbations dans le monde de la photocomposition, il y a un faible coût d'équipement et c'est peut-être à ce moment-là que aussi toute une culture, la culture de la composition qui disparaît. Avec son savoir-faire, ses spécialistes et toutes les connaissances liées au métier. Alors c'est peut-être dans ce savoir-faire, on peut distinguer le savoir-faire technique de composition à la main, mais surtout le savoir-faire artistico-technique qui disparaît. Enfin, qui disparaît plus ou moins, mais enfin, qui est moins présent. Donc effectivement, les logiciels de mise en page PAO libèrent des contraintes énormes en termes de composition. On peut mettre des images plus facilement au sein d'un texte, corriger plus facilement des épreuves. Il y a un gain énorme, mais l'idée c'est peut-être une tentation à faire aussi un peu du n'importe quoi quand on n'a pas forcément les compétences et les connaissances. Alors il y a aussi une question, donc j'en viens à la question des compétences. Qui se retrouve encore une fois pour les sites web, ce n'est pas parce qu'on a la compétence technique qu'on a la connaissance, les compétences liées à la discipline. C'est pas parce qu'on maîtrise InDesign qu'on va correctement faire un document, qu'on va faire un document correctement imprimé. Ce n'est pas parce qu'on a lu quelques éléments de typographie qu'on peut s'improviser ouvrier typographe ou être un artiste, un graphiste avéré. Donc là, ce sont des choses qui sont importantes d'avoir conscience. Et peut-être l'idée, ça serait d'éduquer à la typographie ou à la composition pour sensibiliser les acteurs de l'édition. Et moi-même, j'en fais partie cet apprentissage un peu en tâtonnant et pas de transmission véritablement du savoir typographique, du savoir-faire. Et donc je pense que sur le support électronique, on a beaucoup à apprendre de l'héritage typographique justement du papier et à essayer de le mettre en place, de ne pas l'oublier et le faire tomber dans l'oubli. Alors maintenant, on va revenir un peu sur cette très lente émergence de la recherche typographique sur le web. Alors les débuts du web, c'est avant tout un grand empirisme de l'édition. Pour l'édition électronique, un grand empirisme. On a une absence totale de prise en considération de la typographie. L'édition se professionnalise, l'édition électronique se professionnalise lentement. Alors au début, on avait l'image du webmaster qui s'occupait de tout pour un site. C'était le graphiste, la personne qui en mettait le contenu, qui trifouillait son Dreamweaver pour mettre en place ces pages. Donc c'était multi-compétences. Petit à petit, on voit que de nouveaux métiers émergent et qui se spécialisent. On a des éditeurs web qui émergent, des intégrateurs web, très importants, qui ont la compétence technique de mise en place des sites. Les développeurs web pour tous les développements. Donc c'est peut-être... Donc voilà, c'est vraiment une professionnalisation qui est lente et qui arrive peut-être parce qu'on se rend compte que la qualité des données est assez catastrophique. Donc les débuts du web, on a l'impression que c'était peut-être un grand terrain de jeu avec une nécessité absolue de coloriser toutes les pages, de mettre des images en fond, d'utiliser toutes les polices possibles et imaginables qui sont disponibles sur son ordinateur, parce qu'on est attiré par la technique, on veut jouer avec la technique, et on oublie peut-être des choses plus essentielles qui sont l'accessibilité des sites, la lisibilité des sites. Alors, je vais vous montrer deux, trois petites choses. Donc, tout d'abord, on va passer rapidement. Voilà, un exemple, c'est encore un site qui est en place. C'est l'exemple typique du site perso des débuts du web, où on a des choses assez illisibles. Et avec, et encore, c'est pas les pires, il n'y a pas les frames ou les images clignotantes, etc. Mais voilà, ça c'est ce qu'on pouvait voir, parce que c'est très, très important dans le web, au début du web. Ensuite, que je vais vous montrer, voilà, ça c'est, j'utilise le site webarchive.org, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un site qui en fait a aspiré, c'est la mémoire du web en fait. Quand vous allez sur webarchive.org, web.archive.org, vous pouvez aller consulter l'affichage de sites web, des sites web tels qu'ils étaient il y a un certain nombre d'années. Donc là, je suis sur le site du Monde, en 99, et on voit voilà, comment ça tout apparaissait avec des images ici, des choses très simples, très, très resserrées. Donc là, c'était vraiment, c'est typique des premiers moments du web. Donc voilà, quelques principes anciens. Ont été hérités de ces premiers moments et sont un peu remis en question maintenant, mais pas toujours. Moi, je pense notamment à l'utilisation exclusive des polices sans sérif, qui peut être maintenant repensée avec l'évolution des techniques, et ça, je vais le voir après. Des hyperliens soulignés en bleu, donc quelque chose qui casse le rythme de la lecture. Des lignes qui courent sur toute la largeur de l'écran, parce qu'on s'occupait peut-être plus des petits écrans, alors que maintenant on a bien des écrans de 24 pouces et plus. Et aussi, c'est l'utilisation abusive d'un graphisme très voyant, avec des images en fond, du clignotant. L'idée, c'était vraiment de remplir cet espace qu'on n'arrivait pas à maîtriser. Maintenant, on voit bien dans l'évolution des sites web qu'on va vers plus de blanc. On va vers plus de simplicité. Et il y a des débats très intéressants là-dessus, justement, en ce moment. Et je vous montrerai quelques articles qui sont pertinents. Autre chose, au début du web, c'est le renoncement aux enrichissements typographiques. On voit, par exemple, le projet Gutenberg. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un projet qui a été monté pour, en fait, rendre une grande bibliothèque de livres accessibles. Alors le but, donc, actuellement il y a 20 000 ouvrages peut-être qui ont été numérisés, retapés par des volontaires pour rendre accessible en fait le contenu. Alors la grande problématique, c'était les rendre accessibles. Donc on a certains livres qui ont été tapés, donc en ASCII, donc parfois sans les E accent aigu par exemple, et une perte totale de tous les italiques. Donc là voilà, on a un exemple de plain text. Hop. Je sais pas si je peux. Bon, vous regarderez, mais c'est vrai qu'on avait. Là, on renonce totalement aux enrichissements typographiques, que ce soit ne serait-ce que les enrichissements sémantiques, les italiques, les accents, ce genre de choses. Les capitales accentuées, etc. Donc là, c'était aussi lié à un problème d'accessibilité. Qu'on a renoncé à tout ce genre de choses. Il fallait que le contenu soit accessible. Mais c'est intéressant de voir ces initiatives à ce moment-là. Après, juste une petite chose, Wikipédia, on voit que est héritier aussi un peu de ces premières pratiques du web, avec encore des pages très longues, avec des lignes de texte très longues. Mais peut-être que c'est aussi également en termes d'accessibilité pour favoriser l'appropriation de l'outil par les internautes, pour ne pas les contraindre à utiliser toutes les règles typo, etc. Même si il y a de plus en plus de recommandations typographiques sur Wikipédia qu'il n'y avait peut-être pas au tout début de ce projet. Alors, qu'est-ce qui a été très important dans l'émergence de la typographie pour le web? C'est sans doute les CSS, les Cascading Style Sheets. Donc, Les CSS, c'est quoi? C'est un langage informatique qui vise à décrire l'affichage d'un document HTML ou XML. C'est un standard qui est décrit par le W3C. On a différentes versions, CSS1, CSS2. Là, ils sont en train de travailler sur la CSS3. Et donc, les CSS ont été introduites au milieu des années 90 et elles sont couramment utilisées dans la conception des sites web à partir des années 2000, notamment quand elles vont être correctement prises en charge par les navigateurs. Ainsi, on va définir l'affichage du texte en dehors du texte lui-même. Alors, quelques exemples de propriétés CSS. On a le type de police, la font family, la taille, la font size, la couleur, l'interlignage. Dans la CSS, on définit ça. On peut aussi définir l'interlettrage, c'est letter spacing en CSS, l'espace entre les paragraphes, la hauteur des exposants, on peut définir la hauteur des exposants en CSS, ou bien le niveau de placement des indices, la taille des petites capitales, si on veut qu'elles soient un petit peu plus grandes ou pas, et on peut aller jusqu'aux lettrines. Ça, on verra aussi tout à l'heure, la lettrine. Donc maintenant, la typographie, c'est un véritable débat à l'heure d'aujourd'hui, notamment entre tous les web designers, et plutôt anglo-saxons. Le dire, il y a quelques articles très intéressants en français, mais tout se fait plutôt, toutes les discussions ont plutôt lieu en anglais. Certains vont jusqu'à affirmer, il y a un article qui est paru récemment que je vais vous montrer, où l'auteur affirme que, de manière un peu provocante, que finalement le web design, c'est à 95% un travail typographique. Alors je vous invite vraiment à lire cet article. Il y a il y a 300 réactions à cet article-là. Beaucoup de web designers, de concepteurs de sites web. Alors pourquoi cet auteur nous dit que le web design, c'est avant tout de la typographie, avant d'être du design ou du graphisme? Il nous dit que qu'en fait, le web, c'est avant tout des informations écrites. 95% des informations sur le web is written language. Donc, peut-être la chose la plus importante à travailler, c'est peut-être le traitement de l'information, la mise en forme du texte et le rendre lisible et accessible. Alors, je n'ai pas encore établi de bibliographie sur tous les articles qui m'ont intéressé pour la rédaction de ce cours, mais je vous les transmettrai après. Comment ? C'est le nom du... informationarchitects.jp, japonais. Ouais. Alors aussi, un élément assez significatif pour moi dans l'émergence de la typographie sur le web, c'est le logiciel SPIP. Alors SPIP, pourquoi? Parce que dès assez tôt, au cœur du logiciel a été développé un moteur de correction typographique qui permettait de, une fois que l'utilisateur avait rentré son texte, de corriger, d'insérer les espaces insécables aux bons endroits avant les signes de correction, enfin les signes de ponctuation. Deuxième chose dans SPIP, on a vu la mise en place de barres typographiques. Donc on a une deuxième barre typographique qui permet d'éduquer en fait l'utilisateur, de lui permettre de facilement pouvoir mettre des majuscules accentuées, des petites capitales, ce genre de choses. Donc on a par exemple le E dans le haut en majuscule qui est dans cette barre typographique. Troisième chose dans SPIP, c'est vraiment un logiciel qui prend en compte vraiment beaucoup la typographie, et sûrement plus que l'ODEL, le plugin de Césure. Un plugin a été développé pour SPIP afin d'intégrer dans tous les mots des césures à l'intérieur du texte automatiquement. C'est un plugin qui a été développé sur la base du dictionnaire de la tech et qui permet en fait d'avoir des césures au sein du texte qui manquent cruellement actuellement sur nos sites web. Alors pourquoi SPIP et cet intérêt pour la typographie? C'est peut-être justement parce qu'un des concepteurs du logiciel, un des fondateurs de SPIP, et du métier de l'édition, et donc était proche la typographie était importante à ses yeux. Donc là, c'est important de voir que ce sont peut-être des hommes aussi qui vont intégrer des compétences dans les logiciels, dans les, et des, un héritage typographique. Alors, comment, pourquoi est-ce si dur d'intégrer une typographie agréable sur un site? Quelles sont les contraintes? Donc tout d'abord, ce sont des contraintes matérielles. On va tout de suite penser à l'écran. On avait avant des écrans avec des luminances très fortes, des définitions assez mauvaises qui rendaient des caractères tout à fait pixelisés à l'écran, d'où l'utilisation très importante des polices sans sérif, parce qu'elles permettent de moins pixeliser les caractères. Autre contrainte, c'était le, au tout début du web encore, ces sites optimisés pour Internet Explorer, optimisés pour Firefox. On ne pouvait pas avoir un affichage constant. Et il faut dire encore que c'est encore aujourd'hui une lutte quotidienne de notre intégrateur web de faire en sorte que les sites web soient d'un affichage à peu près identique entre Internet Explorer et Firefox. C'est encore quelque chose qui est une grande difficulté à l'heure d'aujourd'hui. Donc bon, première chose, les problèmes donc matériels. On voit que les écrans se sont nettement améliorés. On va aussi parler après du lissage des polices. La deuxième contrainte pour un webmaster, c'est l'instabilité du graphisme global. Alors ça, c'est un point qui est... je me rappelle de longues discussions entre nos intégrateurs et des graphistes qui disaient « Mais oui, mais en tant que graphiste, on ne peut pas maîtriser l'affichage. » Et c'est une véritable douleur, finalement, pour eux. Donc le créateur n'a aucune maîtrise sur l'affichage global. Pourquoi ? Parce que donc, les écrans ont différentes tailles. Donc si on ne peut pas faire un site dans une petite taille, et en se disant « tant pis pour ceux qui ont un 24 pouces, ils verront un tout petit site bloqué sur un coin d'écran. » Et on ne peut pas faire des sites pour des 24 pouces parce qu'on empêche les petits écrans, enfin les personnes qui ont des petits écrans, d'accéder au contenu, bon, ce genre de choses. Il y a aussi les différences de paramétrage des couleurs des ordinateurs, des résolutions, des problèmes aussi au niveau des navigateurs. Certaines personnes vont paramétrer les polices par défaut au sein de leur navigateur. Vont paramétrer, des daltoniens vont peut-être paramétrer les couleurs pour afficher certaines couleurs et pas d'autres. Donc là, on peut vraiment, c'est l'utilisateur, le lecteur qui a un droit de modifier l'affichage du site. Donc c'est quelque chose, c'est une contrainte qui est extrêmement importante, mais il faut faire avec. Et je vais vous montrer tout à l'heure un site qui est assez intéressant dans la prise en compte de cette contrainte d'affichage dans la conception même du site web. Deuxième chose qu'on ne maîtrise pas du tout, c'est l'absence de maîtrise du texte. En PAO, on compose ligne par ligne, on met les césures où on veut, on place les éléments comme on le souhaite. Avec le web, on ne maîtrise plus du tout l'affichage du texte. Le texte est comme un flux, c'est pas une ligne située dans un bloc. Le texte va se placer de manière automatique dans un bloc qui est défini au préalable. Et cet affichage qu'on va définir par défaut, par les CSS, on va dire que je vais mettre un bloc de telle taille, l'internaute va pouvoir l'augmenter également. Donc on n'a aucune stabilité de la ligne. Donc le texte est un flux, ça c'est quelque chose de très important. En plus, également, l'absence de maîtrise du texte, c'est que les navigateurs ne vont pas interpréter des caractères de la même manière. L'espace fine ne va pas être interprété de la même manière sur Internet Explorer ou sur Firefox. Donc ça va être distendu. Il y a des choses comme ça qui diffèrent. Donc la conclusion, c'est la conclusion de cette contrainte, c'est peut-être de dire qu'il faut penser différemment les sites web et accepter la contrainte et sortir d'une conception graphique de limitation d'une page papier pour vraiment faire corps avec ce nouveau support qui est le site web avec toutes ces variations d'affichage. Alors là, je vais simplement vous montrer. Alors voilà, ça c'est un site assez intéressant de l'université, c'est le département d'espagnol et de portugais de l'université de Berkeley. Et là, donc, on a un site qui s'affiche à peu près correctement sur cette page. Est-ce que je vais voir? Donc, qui est assez typographique. Et voilà. Et là, ce qu'on voit, c'est que quand on redimensionne la page, des éléments de bloc coulent et se déplacent. Donc, comment tu peux recommencer à démontrer? Ouais. C'est vrai que c'est un peu perturbant au premier, à première vue. Donc là, on a... Il y a trois colonnes maintenant. Là, on a, voilà, là, on a même quatre colonnes, trois okay. colonnes sur le côté. Et si je déplace un peu, hop, la quatrième colonne... Elle part où, en bas? Elle part en bas. Et si je redimensionne encore, hop, j'ai deux colonnes. Donc en fait, on va structurer l'information, mais de manière totalement, enfin radicalement différente. Je ne dis pas que c'est la solution à avoir, ça peut aussi être perturbant, hein, de ce déplacement des colonnes, mais c'est quand même intéressant de voir des, voilà, des développements qui sont faits dans ce sens-là pour en fait s'adapter à différents écrans. Et l'idée, c'est voilà, l'information la plus importante, on va peut-être la mettre ici, dans cette zone-là. Les autres informations qui le sont peut-être moins, les déplacer sur le côté quand l'écran est large, elles seront de toutes les manières moins visibles que ce qui est au cœur de la page. Et ensuite, les déplacer en dessous et elles seront toujours accessibles. Donc là, c'est vraiment typiquement un site qui a été conçu avec cette contrainte-là. Nous, on a essayé de repenser le portail revue.org un peu comme ça, mais je vous assure que c'est pas facile. Et qu'il faut bien concevoir en amont le projet et de maîtriser, d'avoir beaucoup de discussions entre les développeurs, les intégrateurs et les personnes qui vont concevoir le site. Voilà, donc ça c'est un exemple assez intéressant de prise en considération de la contrainte du web. Alors oui, aussi de la même manière, ce qu'on voit beaucoup apparaître, c'est des sites où les couleurs sont moins présentes, on a moins de grands aplats de couleurs. Pourquoi ? Peut-être aussi parce que les couleurs changent d'un site à l'autre, alors peut-être qu'il vaut ne pas trop en utiliser, en user. Alors, on continue. Alors la question des polices, bon là je l'aborderai peut-être un peu plus tard de manière plus longue. Voilà, le gros problème de la typographie pour le web, c'est toujours de se dire on ne peut pas choisir la police que l'on souhaite. On est contraint à différentes polices, mais on verra ça après. Alors, maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Après, ces notions, ce rappel un peu historique de l'émergence de la typographie qui devient vraiment essentiel à l'heure d'aujourd'hui et qui mérite encore beaucoup à innover. Comment publier des textes sur écran? Comment améliorer la lisibilité visuelle des textes? Et là, je vais parler de micro-typographie, donc au niveau des textes. Alors, améliorer l'affichage des textes, on aborde ici la question de la lisibilité. Donc, il faut d'abord distinguer la lisibilité perceptive que le lecteur va avoir au niveau perceptif, de la lisibilité cognitive qui a plus lien avec la compréhension, la manière dont le texte est compris par l'utilisateur. Alors il y a beaucoup de recherches en psychologie cognitive, en neuropsychologie, qui sont faites. Je n'ai pas une vision globale de toutes ces recherches, mais il y a quelques études, quelques éléments qui m'ont beaucoup intéressée quand j'ai fait mes recherches, et je voulais un peu vous en parler. Donc c'est des éléments un petit peu théoriques sur la question de la lisibilité. Alors, c'est pas grave. Une première étude. Alors là, ça va pas être très très évident, mais c'est parce que j'avais des images, mais qui sont pas visibles. Montre en fait le rythme de lecture. On a trois types de rythme de lecture. Donc la lecture se fonctionne par points. Donc là, je vais essayer de montrer un exemple en ligne. Donc voilà, pour ce paragraphe-là, on va avoir une lecture qui sera rapide. Donc le mouvement des yeux va se situer ici, là, là, là, là, là, là. Donc là, c'est un rythme de lecture rapide. On fixe les yeux sur des points du texte. La lecture normale va avoir plus de points sur la ligne, tandis qu'une lecture lente va avoir encore plus de points sur tous les mots. Enfin, pas tous les mots, mais un certain nombre de mots. Donc là, déjà, on voit que le rythme de lecture dépend du point de fixation des yeux sur le texte. Et on dit généralement que la lecture sur écran est plus lente que sur le support papier. Ça, il faut voir pourquoi. C'est peut-être quelque chose qui est à remettre en question, à réfléchir en tout cas. Une autre étude que j'ai trouvée intéressante a été menée par l'université de Wichita. Voilà. Et mise en ligne dans une page finalement assez illisible, ce qui est assez rigolo. Mais c'est intéressant. C'est une étude qui a été... Hop là. Qui a été donc menée pour voir en fait l'impact de la marge de l'interlignage sur la compréhension des textes et leur lisibilité. Donc en fait, là, on a 4 blocs de texte. Un qui contient des marges et un interlignage correct, important. Un autre qui contient des marges avec un interlignage beaucoup plus petit. Mais ça, c'est du papier ou c'est du web? Les 4 exemples. Là, c'est pour le papier, mais je pense que c'est quelque chose qui est indépendamment du support, c'est quelque chose d'essentiel. Troisième paragraphe, pas de marge, mais un bon interlignage. Et dernier paragraphe, pas de marge, des marges plus petites en tout cas, et un interlignage assez serré. Alors, quelle est la conclusion de cette étude? Bon, on s'en doute bien. Les marges avec un interlignage important ont un rythme de lecture un peu plus lent, mais une compréhension plus élevée. Quand on a des marges, alors ce qui est intéressant, voilà, c'est que quand il n'y a pas de marge, finalement la lecture est des marges plus petites, la lecture est plus rapide, mais moins moins comprise. Et voilà, donc c'était assez intéressant de voir qu'en fait, quand on a des marges, on lit peut-être plus lentement, on comprend peut-être mieux. Et voilà. Donc la conclusion, c'était ça, c'est qu'il faut bien faire attention à tout ce qui est marge, interlignage, parce que ça influence et le rythme de la lecture et la compréhension. Alors maintenant, j'aimerais revenir aux 3 critères de lisibilité des caractères. Et là, encore une fois, c'est indépendamment du support, selon moi. Le premier critère, c'est l'acceptabilité, c'est-à-dire on parle de l'adéquation entre la forme d'une lettre et la représentation interne que nous en avons. Ça, c'est l'acceptabilité des lettres. Le deuxième critère serait la discriminalité, c'est-à-dire la distinction entre la lettre et le fond. Donc le fond, donc ça, c'est la discriminalité repose en grande partie sur le contraste entre la lettre et le fond. Un élément très important de la typographie et de la typographie pour le web. Le troisième critère, c'est la distinctivité ou la différence nette entre les caractères. Il me faut que je distingue correctement le A du C ou de telle ou telle lettre. Donc la distinctivité entre les lettres. Donc ça, c'est 3 éléments qui sont tout à fait reportables pour une édition électronique. Et souvent, dans certaines polices utilisées, ces 3 critères ne sont pas forcément toujours respectés. Un autre petit point que je trouvais intéressant aussi en termes d'études, c'était une expérience qui a été faite de prendre l'exemple d'une ligne de texte. On va cacher le bas des lettres et on va essayer de lire, de deviner le sens juste en regardant le haut des lettres. Et inversement, on va cacher le haut de lettres et on va ne voir donc que le bas des caractères et en essayant de deviner le sens. C'est extrêmement plus simple de lire le texte quand on ne voit que le haut des lettres que le bas. Donc en fait, la lecture se passe aussi comme ça, par une grande distinctivité du haut des lettres. Peut-être que le regard se situe plus à ce niveau-là. Alors cette expérience-là donne l'avantage plutôt aux polices sérif, donc avec empattement, qui distingue plus nettement le haut des lettres que les polices bâton, où le haut des lettres est beaucoup moins distingué. Enfin, pour améliorer l'achat des textes en ligne, il y a une notion qui me paraît importante, c'est de respecter la tradition en typographie. Alors pourquoi toute typographie et tout processus de lecture repose sur une tradition, repose sur des conventions. La forme de nos lettres reflète une convention qui a été établie lentement. Certains typographes disent encore aujourd'hui que la police Garamond est la plus parfaite par la distinctivité qu'elle offre entre les caractères et sa qualité esthétique. Il faut bien savoir que le critère esthétique des lettres vient après le critère de distinction. Voilà. Donc ne pas oublier la tradition. Et ça, on reviendra aussi sur la tradition avec les règles typographiques. Alors, quelques éléments de typographie pour l'affichage des textes en ligne. Donc là, il y a beaucoup d'articles, j'en mettrai quelques-uns, sur comment améliorer l'affichage de ces textes en ligne. Globalement, il y a trois critères qui sont en fait les mêmes que ceux d'une édition papier. Trois critères de lisibilité, c'est la police, donc avec tous les critères dont j'ai parlé tout à l'heure, la justification et le contraste. Donc c'est vraiment ces trois éléments qui dominent la lisibilité d'un texte. Alors, la question du choix de la police, on va aborder la question de la taille, du choix du type de police, de la lisibilité. Donc la taille. On dit généralement que pour le web, il est préférable de choisir une police qui est plus importante, de taille plus grande. Moi, je me pose encore la question, je ne suis pas tout à fait convaincue par ça. Là, on voit qu'effectivement, ce site, bon là, c'est encore plus flagrant sur l'ordinateur, a une typographie très importante, une taille de caractère très importante. On peut se poser la question de l'intérêt, notamment pour des textes très longs, avec une plus grande verticalité de la page. Peut-être que le plus important en termes de taille de police, c'est de laisser la possibilité à l'internaute de l'agrandir. C'est peut-être de la redimensionner. C'est vraiment le critère pour moi essentiel, c'est d'augmenter, de laisser la possibilité d'augmenter la police du texte. Alors l'augmenter, on peut la faire manuellement, en contrôlant le plus avec son navigateur, mais on peut aussi, dans le cadre de la page, et nous c'est ce qu'on a décidé avec les maquettes de nos revues, voilà, là je prends une grande taille, c'est d'augmenter la taille du texte dans le cadre de la page. Si je fais CTRL plus, c'est toute ma page qui est redimensionnée, qui est élargie. Donc voilà, la taille c'est plutôt une question de redimensionnement. Et un redimensionnement correct sans que les lettres ne se chevauchent, les lignes se chevauchent. Donc c'est une gestion technique du redimensionnement en redimensionnant et la taille de la police et son interlignage pour que ça soit cohérent. Donc ça c'est très important. Donc il faut que le redimensionnement soit proportionné. Ensuite, le type de police. Alors ça, c'est vraiment la sempiternelle complainte des webdesigners, des webmasters, des graphistes qui se plaignent du faible choix de police offert par le web, l'Arial, le Verdana, le Georgia, le Times et pas beaucoup plus. Et le Courrier New éventuellement. Pourquoi ? Parce que les polices doivent être sont celles utilisées sur les systèmes des internautes et les polices ne sont pas téléchargeables en ligne. Donc il faut qu'elles soient présentes sur les systèmes des internautes. Donc c'est une question d'accessibilité des textes. Alors première chose à dire par rapport à ça, c'est que la typographie, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, ne se réduit pas au simple choix d'une police. À l'époque de la Renaissance, il y avait très peu de polices qui étaient dans les ateliers de typographie, et ils faisaient des très belles compositions malgré cela, malgré cette contrainte du nombre de polices. Autre contrainte aussi dont on parle beaucoup sur le web, c'est le problème du lissage des polices. Donc les polices apparaissent pixelisées. Là, j'ai ajouté un effet lissage en plus, donc qui permet d'afficher correctement les caractères, mais sinon ils paraissent souvent beaucoup plus pixelisés. Encore une fois, avec les nouvelles techniques, les nouveaux systèmes qui arrivent, les polices sont maintenant lissées. Donc je pense personnellement que c'est possible de commencer à réutiliser les polices sérif pour les sites et qu'on ne doit pas se cantonner à utiliser l'Arial et le Verdana qui sont d'un monotone assez important. Mais bon, ça c'est une réflexion à avoir sur le choix du sérif et du sans-sérif. Et ça dépend peut-être des publications. Chez nous, certaines revues on privilégie le sérif et pour d'autres, on privilégie le sans-sérif parce que c'est un choix aussi de style qui correspond au contenu de la revue, par exemple. Donc voilà, la lisibilité des pages web est nettement améliorée par le lissage des polices. Autre problématique, donc, c'est qu'on ne peut pas utiliser donc, les polices OpenType. Alors, je vais parler de quelques tentatives de solutions pour utiliser d'autres polices plus personnalisées ou plus différentes. C'est tout d'abord la propriété de CSS font face. C'est une propriété qui est encore très peu utilisée, qui n'est pas forcément très bien implémentée dans tous les navigateurs. Je ne connais pas parfaitement le font face, mais c'est pour vous dire juste un peu l'idée de ce projet-là en CSS. C'est en fait l'idée, c'est d'afficher, donc d'installer qu'un éditeur, l'éditeur de son site, installe sur le serveur des fichiers de police. Donc, par font face, par la propriété font face, la police est indiquée, la police OpenType par exemple, ou l'autre police est demandée par la CSS, et l'internaute va télécharger, je ne sais pas trop de quelle manière, mais récupérer la police qui est en ligne, pas l'installer sur le système, mais la récupérer et peut-être l'afficher dans le cache, ou là je ne connais pas, peut-être que d'autres le savent ici, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir, en mettant la police sur le serveur, d'afficher des polices que le texte dans les polices que l'on souhaite. Bon, après, donc cela pose des problèmes de droits des polices. Est-ce que les éditeurs possèdent les droits des polices? Gros problème. Donc, comment vérifier qu'ils les possèdent bien? Ça peut aussi éventuellement poser des problèmes de chargement des pages. Ça, c'est possible avec la lenteur de chargement. Mais c'est quelque chose qui va peut-être évoluer, qui existe, c'est le font face, pour utiliser des polices installées sur le serveur. Ensuite, autre tentative qui commence à prendre de l'importance, c'est le CIFR, S-I-F-R. Je vais noter. Qui est en fait un système on va intégrer du texte dans la base de données et un petit outil va remplacer le texte par une image conçue en flash. Donc ça c'est un outil pour afficher des polices que l'on veut, sauf que voilà, les problèmes que cela pose, c'est avant tout un problème peut-être de temps de chargement de la page pour que l'image soit créée. On ne peut utiliser cette fonctionnalité qu'au niveau des titres, mais sûrement pas pour un bloc de texte important, parce que quand même on transforme des images et le problème des images et de leur accessibilité se pose. Donc on voit bien que les tentatives sont un peu bloquées, et peut-être que ce qu'il faut faire avant tout, c'est avec ce qu'on a et le faire bien. Donc là en CSS actuellement, qu'est-ce qu'on fait pour indiquer les polices? On peut indiquer des groupes de polices en CSS. Donc une police par défaut, une police de remplacement si l'utilisateur ne possède pas la police par défaut, une troisième police de remplacement si le lecteur n'a ni la première ni la deuxième, etc. Donc il y a des petits guides sur Internet qui vous proposent différents groupes de polices qui fonctionnent bien ensemble. Parce qu'après, il faut bien penser que si on met... de l'Arial en police par défaut, et si on a c'est un mauvais exemple, mais une police avec une chasse très importante par défaut et qu'ensuite on met une police avec une chasse très faible, eh bien on va plus arriver à gérer l'affichage, l'interlignage, la ligne, etc. Donc un autre outil que je vais vous présenter qui est très utile pour toutes les personnes qui veulent regarder un peu les questions typographiques avec les polices, c'est le Type Tester, qui permet de voir, de définir, de comparer différents types de polices en définissant la police. Donc on a aussi là donc les polices web, Safe List, donc les polices safe, c'est l'Arial, le Georgia, le Times New Roman, le Trébuchet MS, Verdana. Ensuite, les polices de Windows, les polices de Mac, etc., etc. Et pour les comparer. Donc là, je vais mettre du Georgia. Avec... ici. Voilà. Et en fait, en dessous, on peut comparer voilà, le résultat qui s'affiche. Donc c'est très intéressant comparer un peu voilà, comment se comportent les polices, dans quel corps, dans un interlignage identique, etc. Donc c'est éventuellement possible, on peut très bien se dire pourquoi pas utiliser la police, hein. Une police qui n'est pas safe, ensuite utiliser une police qui est plutôt orientée Mac, et ensuite utiliser une police de la safe list pour voilà, mettre en place, choisir une typographie et choisir des groupes de police qui soient cohérents en fonction des systèmes. Donc c'est un peu s'adapter, bon c'est une possibilité, hein, mais voilà. Type tester. Alors toujours dans les critères de lisibilité, là je vais aborder l'affichage du texte, la justification, l'interligne, la possibilité d'utiliser des grilles. Donc ce qu'on appelle justification en typographie, c'est la longueur de la ligne, et non pas ce qu'on a l'usage de dire quand on traite des textes dans Word, de justifier à gauche, justifier à droite. Dans la justification, c'est la longueur de la ligne. On dit généralement que la ligne ne doit pas être trop courte ou trop longue, elle doit être entre 40 et 60 caractères. Je pense que c'est une règle pour le papier qui peut tout à fait être appliquée sur un support électronique. Alors, Robert Bringhurst nous dit, nous donne un petit outil pour calculer une bonne justification en fonction donc de la police, du corps de la police, qui est la suivante. On va multiplier la taille de la police, donc par exemple si on a une, par 30. Donc si on a une police de 10 points, de 10 pixels, on va la multiplier par 30, ce qui va nous donner une justification de 300 pixels, ou d'environ 65 caractères par ligne. Voilà, c'est un peu une possibilité pour essayer de calculer une bonne justification sur le web. Et là, c'est la pause raisin. J'ai obtenu l'autorisation de Inès, alors. Alors peut-être qu'on peut en profiter si vous avez des petites questions à ce moment-là. Alors il n'y a personne qui tweet ici, alors tout le monde là-haut dit mais il n'y a aucun tuteur ici. C'est haut du métier. Est-ce que vous avez des... Alors je vous propose de faire passer les raisins et les crocodiles. Et si vous avez des questions, pour tout de suite, non, on va continuer. Et surtout, hein, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas, je ne les ai peut-être pas précisé avant, mais il ne faut pas hésiter à me couper. Donc voilà, le calcul d'une justification idéale en fonction de la police. L'interligne. L'interligne, c'est ce qui va avoir une incidence sur, bien entendu, toujours la lisibilité, mais aussi le confort de lecture. Et ça, je ne l'ai pas précisé quand je vous ai parlé de l'étude de l'Université de Wichita. C'est que l'interligne rassure le lecteur et va dans son confort de lecture. Donc, ne serait-ce que pour le plaisir, ce sont des choses qui sont importantes. Donc, l'interligne permet de mieux cerner la fonte, de la distinguer parce que la ligne est assez ample, assez voilà, et va gérer l'apparence globale du texte. Donc, et donner en fait une densité au paragraphe plus ou moins forte. Donc une densité trop faible n'est pas non plus très bonne, ni trop forte. Voilà. Je pense que sur le web, il n'y a pas de principe, j'ai pas vu de principe particulier en termes d'interlignage. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de mettre un interlignage trop grand. Je ne pense pas que ce soit important. Par contre, un outil pour gérer l'interlignage et la composition de ces textes, c'est la grille typographique. Donc ceux qui sont du métier connaissent les grilles typographiques sur Express. Il en existe sur Internet. Il existe des outils qui sont très pratiques, comme Baseline, qui permet en fait... Donc là, je vais vous faire une petite démonstration. Donc c'est baselinecss.com. Donc là, on a un site. Donc c'est le site de Baseline. On peut télécharger ce petit outil. C'est libre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais déterminer, hop, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Là, on va simplement mettre en place des lignes sur toute la page en CSS qui vont me permettre de gérer, en fait, de déterminer déjà quelle sera la ligne de base, est-ce que c'est 15 pixels, est-ce que c'est un peu plus, de placer en fonction de ma police, de la longueur de la ligne, de l'interlignage, ce que je vais mettre, donc pour avoir une régularité dans la grille. Là, on va mettre deux lignes, en fait, pour ensuite mettre le sous-titre, etc. Donc c'est tout à fait possible de chercher à une régularité verticale et typographique par ces outils-là. La grille typographique permet également de gérer des sites web sous forme de colonnes. Là, on utilise, en cliquant ici, on voit apparaître d'une part les lignes verticales et les lignes horizontales, avec les espacements nécessaires entre les différents blocs de ce texte. Et je ne sais pas si on a des exemples. Enfin voilà, là on a cet exemple-là d'un texte qui est un peu avec une ligne un peu importante et en marge des éléments qui répondent également, qui respectent cette grille typographique établie au début. Donc il y a des outils, il faut que nous utilisions pour mettre en place des sites web qui soient propres. Excusez-moi, on peut exporter des lignes des feuilles de style à partir de cet outil, ou c'est juste un outil de visualisation? C'est un outil. C'est marqué framework, mais... Alors pour moi c'est un outil, je le connais pas très, enfin je l'ai pas encore utilisé, enfin j'ai pas installé ni quoi que ce soit, j'ai compris qu'on le téléchargeait, qu'on pouvait l'installer sur son site pour travailler la typographie. Parce que c'est assez compliqué à mettre en place le CSS. Hein. Ouais. Mais ça c'est simplement... C'est un réglage très subtil entre les pourcentages des différentes tailles de corps de texte et de titre, etc. Ouais. Je me suis essayé, c'est assez complexe. Hein. Mais la grille est indépendante de la feuille de style CSS. Bon, si on est obligé de déclarer tous les tailles des titres, des textes, des paragraphes, des listes et des interlignes suivant des certaines proportions. Dans la CSS. Voilà, qu'il faut absolument respecter. Ouais. C'est pas simple. Parce que c'est des calculs incroyables. C'est des héritages de style et de calcul. Ouais. Pour ça, je posais la question, est-ce qu'on peut à partir de ça exporter directement une liste de règles CSS qu'on peut adapter à un site web? Non, il faut d'abord concevoir, c'est juste une aide pour placer les éléments. Après, il faut faire tous ces calculs. Et parfois, on arrive à des 1,625 EM, des trucs assez fins. Donc là, c'est juste l'outil pour. Donc, à quoi ça sert d'utiliser une grille? C'est avoir un rythme vertical qui permet de suivre le flux du texte plus facilement, donner de l'équilibre et de la proportion au texte. Alors, ensuite, les échelles. On peut également composer avec une échelle. Donc, il ne faut pas se priver. Alors là, un exemple d'échelle. Là, c'est sur le site de Pompage. Voilà, là, on a une échelle typographique. Alors, pourquoi ne pas utiliser des échelles pour définir les titres, les niveaux de titres, etc. Donc il faut essayer de garder cette notion, tout cet héritage de la typographie, donc d'échelle, pour avoir une cohérence, une harmonie à l'intérieur du texte et entre les différents titres, intertitres et corps de texte. Enfin, la couleur et le contraste. Donc la lecture est plus aisée si le dessin de la lettre ressort bien du fond. Donc on va plutôt privilégier les contrastes noir sur blanc. Alors pourquoi le noir sur blanc? Il y a beaucoup de questionnements sur est-ce que le fond doit être noir et la police blanc pour avoir un contraste fort, ou l'inverse, le noir sur un fond blanc. Moi je pense que nous avons l'habitude de lire sur un fond blanc, alors peut-être que c'est plus simple de conserver cette habitude que nous avons, cette tradition, C'est plutôt dans de l'ordre du confort de la lecture, pour ne pas perturber nos habitudes et la tradition de la lecture. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je pense personnellement. Et pour les longs textes, c'est peut-être moins fatigant d'être sur du fond blanc avec des caractères en noir. Ce qu'il faut dire par contre, c'est qu'un contraste trop fort est aussi assez néfaste sur le web. Pourquoi ? Parce que quand on a du noir noir sur un fond blanc blanc, eh bien, c'est extrêmement fort. Ça peut poser aussi des problèmes d'accessibilité. J'ai lu que certains dyslexiques, quand il y a des contrastes trop forts, de noir sur blanc, voient les mots se balader comme ça sur la page. Donc évitons, d'accord, oui, mettons du contraste, mais pas trop. Tout est dans la mesure. Donc par exemple, sur les sites que nous utilisons, on ne va pas mettre un noir... je vais prendre la revue de terrain. On ne va pas mettre un noir très fort, mais voilà. Là, on a un blanc qui n'est pas tout à fait blanc, je crois d'ailleurs, sur ce site-là, qui est un peu différent. Et un noir qui est plutôt... qui est un peu grisé, qui n'est pas entier. Donc ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas non plus à l'affichage sur différents écrans en fonction des paramétrages, mais on essaye un peu de faire des contrastes un peu moins forts, mais présents quand même. Alors le contraste, c'est aussi un élément qui est important dans l'affichage des liens, l'affichage de la barre de navigation. Essayez peut-être... Alors il faut qu'il y ait du contraste pour des raisons d'accessibilité, pour que les gens voient les choses, distinguent les choses, mais après, il ne faut pas que ça soit trop. Donc, par exemple, en barre de navigation, faire des liens qui soient un peu pas trop forts, qui ne contrastent pas forcément trop, parce que c'est peut-être pas là où il faut mettre l'importance. Et les liens au sein du texte doivent être repérés comme liens, bien entendu, mais évitons peut-être de mettre des liens trop forts. Ça, c'est une réflexion à avoir sur la finesse du contraste et des différences entre les liens, des différences de couleurs. Ensuite, pour afficher les textes en ligne, j'aimerais parler de quelques ornements typographiques, de leur possible application sur le site web ou difficulté. Donc, il ne faut pas oublier le rôle esthétique de la typographie. On peut tout à fait conjuguer un étonnement visuel avec une lisibilité des textes. L'idée étant de faire en sorte que l'un ne prenne pas le pas sur l'autre, que le texte ne soit pas trop austère ou pas trop... graphique ou stylisé. Donc je vais aborder différents points, la lettrine, la césure, la ligature et peut-être un peu la casse également. Donc la lettrine, lettre initiale majuscule placée en tête d'un texte qui peut courir sur 2-3 lignes de texte, est une lettre ornée qui commence, décore, un paragraphe. Donc là on est vraiment dans l'ornement typographique. On a deux types de lettrines possibles, soit une lettre qui est dans un corps plus important et qui va courir sur plusieurs lignes, soit une image qui est issue en fait des lettrines des enluminures du Moyen-Âge. Donc ces deux possibilités sont tout à fait adaptables sur le web. C'est possible de mettre en place des systèmes de lettrines. Alors tout d'abord avec les CSS, qui grâce à l'attribut First Letter, permettent d'indiquer un habillage pour une lettrine. Donc c'est possible. On peut aller assez loin avec First Letter. On peut indiquer la taille, bien entendu, de la lettrine, pour essayer de gérer le nombre de lignes sur lesquelles la taille qu'elle va avoir par rapport aux lignes. Une couleur, bien entendu, de la lettrine. Des spécifications de marge par rapport au texte. Un fond, si on veut mettre un fond gris. Mais encore là, voilà, on peut très bien habiller n'importe comment une lettrine ou faire une lettrine très simple. Mais il est possible de faire beaucoup de choses. On peut mettre des ombres au texte de la lettrine, etc. Donc on peut faire pas mal de choses. Et même, il me semble que dans la First Letter, certains caractères Unicode sont sortis. Quand on a un texte qui commence par des guillemets et que la lettrine est automatisée, eh bien, il me semble que certains caractères, comme les guillemets, sont sortis, en fait, sont exclus. Dans l'état, je ne l'ai plus en tête, mais on peut gérer assez bien cette question-là, cette problématique-là, qui est liée à l'automatisation. Parce que quand on fait une lettrine à la main, c'est beaucoup plus simple. Alors, exemple, là, c'est... Je vais vous montrer... en avant-première la nouvelle maquette générique qui va bientôt être intégrée sur, pour les revues de revues.org. Voilà, on a décidé de mettre d'utiliser maintenant systématiquement les lettrines, donc c'est le premier paragraphe de chaque article commencera par une lettrine si la revue le souhaite, bien entendu. Bon, ça c'est après, il y a un choix qui peut être fait, mais c'est une possibilité qu'on veut rendre disponible aux revues. Donc autre chose, les lettrines sous forme d'image, donc il est tout à fait possible par un traitement automatique d'identifier une lettrine dans le code HTML, d'identifier le caractère et ensuite de remplacer ce caractère par une image qui correspondrait à la lettrine avec un certain habillage. Ça, c'est possible de le faire. Ce qu'il faut avoir, par contre, ce sont toutes les images liées au caractère. Donc avoir des alphabets de lettrine. Mais c'est tout à fait possible. On voit certains sites, notamment de web designers, qui font usage de ça, de ces images en début de paragraphe. Ensuite, oui. Si tu agrandis le texte, l'image elle va rester. C'est pas oui. Ça. Mais après, c'est voilà, c'est les limites. Ouais. Jusqu'où va-t-on agrandir le texte déjà? Essayer de faire. Ce que j'ai vu dans les sites, c'est que les images étaient assez importantes, justement pour prévoir un agrandissement du texte. Et après, jusqu'où va-t-on agrandir le texte? Ça c'est à voir. Mais il faut l'accepter. On remarque Force Letter, ça ne marche pas très bien avec le navigateur. Ben, il me semble que c'était. Enfin... Il y a encore beaucoup d'IE6 sur le. Ah, mais IE6, oui. IE6, encore 20, 30. Mais après. Plus des navigateurs utilisés. Mais après, Force Letter, c'est très puissant, mais ouais. On est souvent obligé d'utiliser des routines qui vont détecter la première lettre des paragraphes pour ajouter un style. Va dire là tu fais une lettrine parce que sinon ça marche pas. Mais peut-être qu'il faut aussi, oui, il y a peut-être d'autres systèmes. Après, moi je pars maintenant du principe que, eh bien tant pis, si on affiche juste le caractère et pas la lettrine sur Internet Explorer 6, le texte est accessible. Voilà, après, il faut faire des choix de changement d'affichage en fonction d'accepter ça, quoi. De manière générale, avec le CSS, il faut faire extrêmement attention parce que c'est de façon très diverse implémentée dans les navigateurs. Pour tout tester, la norme est très puissante, qui est une norme typographique, mais les navigateurs, en général, n'implémentent qu'une toute petite partie de la norme. Ouais. Et surtout Internet Explorer. Pas seulement. On a des fois des surprises. Même sur Firefox, on a des surprises. Des choses qui ne sont pas implémentées. Mais on peut espérer que peut-être qu'à terme, ça va. Déjà, les progrès qu'on a fait depuis quelques années. Je ne suis pas aussi optimiste parce que les gens qui développent ces outils-là ne sont pas des typographes. Ce ne sont pas des gens d'édition, ce sont des informaticiens. Et qui ont tendance à se dire bon, ça, c'est pas utile. On met de côté. C'est pas essentiel. Mais qui préfèrent alléger le cœur de leur logiciel plutôt que de fournir tous les outils possibles dans le monde. Ouais. Ça va être un problème. Alors ensuite, la question de la césure. On a déjà vu avec toutes les personnes qui ont assisté aux ateliers édition pour le web qualité. Donc c'est la coupure de mots qui consiste à couper un mot pour le placer en début de ligne et éviter les blancs dans le texte qui séparent les mots et qui sont tout à fait inesthétiques et qui font buter aussi la lecture. Parce qu'il y a trop de blanc et pas d'espace régulier entre les mots. Donc la césure est à utiliser pour les textes justifiés, bien entendu, et c'est à la fois esthétique et pour la lisibilité. Comme c'est extrêmement difficile de gérer des césures sur un site pour du texte en ligne, beaucoup de web designers, de personnes conseille la mise en place du texte en drapeau. Alors ça, pour nous, c'est quelque chose qu'on a du mal à mettre en place. On préfère, nous, actuellement, avoir un texte qui soit justifié, enfin, qui ne soit pas en drapeau. Bon, ça, c'est un choix personnel, c'est peut-être quelque chose à réfléchir. Donc, ne pas oublier que les drapeaux permettent d'éviter les blancs de texte. Alors, la césure, il existe un caractère Unicode de césure. il serait éventuellement possible de mettre en place des césures. Il y a des sites où on voit que des césures sur Internet. Mais la problématique, c'est d'insérer, comme le texte est redimensionnable à l'infini, comment faire pour éviter d'indiquer la césure à chaque emplacement de chaque mot de son texte. Parce qu'on ne peut pas le faire manuellement, c'est un trop gros travail. Il faut trouver des outils automatiques, qui se basent sur des dictionnaires de césures et qui permettent d'insérer des caractères et d'insérer des césures de manière automatique sur les textes. C'est en grande partie parce qu'il n'existe pas vraiment d'outils que les textes s'apparaissent assez mal à l'écran en raison justement de ces blancs pour les textes justifiés. Le problème est technique. Donc, quelle solution existe pour l'instant aujourd'hui ? Tout d'abord, un projet qui n'est pas encore tout à fait arrêté, là encore, je ne suis pas forcément très précise, mais avec les CSS 3, c'est une propriété qu'on appelle le Word Break, qui en fait nécessiterait d'avoir accès à un dictionnaire de césure, un dictionnaire par langue, bien entendu, parce que la césure en anglais n'est pas la même que la césure en français, par exemple, et qui permettrait de définir la coupure automatique ou non, et d'aller plus loin aussi, de spécifier le nombre maximum de lignes avec césure, le minimum de caractères avant la césure, le minimum de caractères après la césure pour éviter d'avoir des césures inélégantes. Comment ? Comme dans Express. Exactement. Donc c'est une propriété qui est encore, enfin voilà, qui est peut-être, enfin je sais qu'il y a beaucoup, ce qu'on appelle hyphenation, c'est hyphenation, et on attend un peu de ça, mais c'est assez difficile, je pense, à mettre en place. Ensuite, d'autres outils, le Descript. Donc, il existe des traitements en JavaScript qui permettent d'insérer des césures dans les mots. Donc, c'est un traitement de la page lorsque l'internaute va demander l'affichage de la page. Et là, ce traitement en JavaScript, sur la base, encore une fois, d'un dictionnaire, va insérer des césures sur la page. La difficulté de ces traitements-là, c'est est-ce qu'ils vont allonger le temps de chargement des pages ? Surtout sur des textes très longs, comment est-ce que ça va se passer ? Donc là, il y en a un qui s'appelle Hyphenator. Est-ce que je l'ai quelque part ? Non, c'est Hyphenator. Voilà, donc c'est ce projet-là, hyphenator.js, qui permettrait ça. Donc nous, on ne l'a pas utilisé. On va peut-être commencer à le tester pour tester cet outil, voir comment ça se passe, déjà. Commençons par tester, voir si les césures sont correctement faites, si le temps de chargement de la page n'est pas trop long. Mais pourquoi pas dans un premier temps, en attendant d'autres possibilités d'utiliser cet outil-là. Autre outil, je rappelle ce plugin de Spip qui permet d'insérer des césures grâce au système de tech, la tech. Donc voilà, donc il y a peut-être des choses à faire au niveau des césures, c'est en train d'arriver, on se pose la question, c'est déjà bien que le débat ait lieu, qu'il y ait des solutions qui peut-être arrivent. Je ne sais pas si quelques personnes ont déjà entendu parler d'autres projets ou des choses à rajouter à ce niveau-là. Non, mais voilà, c'est quelque chose qui va peut-être arriver, donc la césure, pour enfin avoir des textes. Oui. Juste peut-être dire qu'il risque d'y avoir des problèmes, ce n'est pas les sources que j'ai testées, mais comme les navigateurs gèrent très différemment la notion d'espace insécable, il ne faut pas exclure que ça ne marche pas très bien quand même. Parce que de toute façon, Firefox et les navigateurs de proches de Firefox, qui parlent du même moteur, gère très très mal la notion d'espace insécable. C'est-à-dire que l'espace ne va pas être coupé, mais il peut être étiré en cas de justification. Donc ça risque d'avoir des conséquences aussi fâcheuses pour un moteur de césure comme ça. C'est assez évalué. À mon avis, on est encore loin de pouvoir atteindre la qualité de césure de justification de d'express ou de design, il faudra encore longtemps. Donc voilà, là on a un exemple de ses yeux ici. Alors enfin, la ligature, là on est encore très très loin du compte, c'est la fusion donc de deux caractères pour en former un nouveau. Il existe deux types de ligatures, la ligature esthétique, comme le phi ligaturé ou le FFI, et les ligatures qui sont plutôt linguistiques, comme le dans l'O, le dans le A, et également la ligature la plus connue, c'est l'éperluette, qui est en fait une ligature du E et du T. Voilà, c'était juste pour info. Alors, comment ça se passe? Il existe des caractères Unicode pour les caractères les FI, les FFI, pour toutes les ligatures esthétiques. La difficulté, c'est effectivement de les insérer dans les textes en ligne. Par exemple, dans Word, Word ne prend pas en compte les caractères ligaturés. On ne peut pas rajouter le caractère ligaturé FI, FFI, caractère esthétique, je parle, dans Word. Donc après, donc tout de suite pour les revues, de revue.org qui fonctionne avec Word, ça va être très compliqué on ne peut pas insérer déjà dans le code, dans le logiciel de traitement de texte. Voilà, donc là on est face à un problème plutôt lié aux outils et à le manque d'habitude d'utilisation de ces caractères-là. Mais il existe quand même des caractères Unicode, alors pourquoi pas réfléchir à l'insertion de caractères ligaturés, c'est à voir. Oui. Les ligatures Unicode sont disponibles dans les polices les plus courantes qu'on trouve sur le web. Oui. Il me semble que certaines. Dans Verdana, on a des ligatures. Je ne sais pas exactement, mais dans certaines polices, oui, j'avais lu ça. C'est pas que dans les polices OpenType où qu'il y a des ligatures. On a dans certaines polices effectivement. Mais alors pourquoi pas, après, penser à des traitements automatiques également, de traitements a posteriori pour mettre en place le système. Ça serait intéressant. Alors enfin, afficher des textes en ligne, c'est aussi appliquer les règles typographiques. Donc les règles typographiques sont des conventions qui font partie de nos conventions de lecture. Et qui sont extrêmement importantes. Elles abordent des règles de ponctuation, d'accentuation, d'écriture des noms, de lieux. Je pense qu'une majeure partie des gens ici les connaissent. Et les maisons d'édition vont mettre en place des marges typographiques pour avoir une harmonie typographique des textes. Là, on est vraiment dans la correction plutôt des textes. Et on utilise généralement le lexique des règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale. Alors, souvent on dit que les gens qui veulent trop correspondre appliquer les règles typographiques sont peut-être un peu conventionnels et très traditionnels. Je pense que c'est une idée qui est vraiment à remettre en question, parce que je pense que le respect des normes typographiques est essentiel dans l'activité de la lecture. Pourquoi ? Parce que ça fluidifie la lecture, tout d'abord. Moi, je comparerais notre tradition typographique, donc ce à quoi nous sommes habitués de lire, à l'orthographe. Quand on déchiffre un texte avec une orthographe mauvaise, c'est extrêmement difficile de le lire. Et je pense qu'en termes de typographie, appliquer les règles typographiques permet de fluidifier la lecture. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais parfois quand on lit des textes en anglais avec des règles typographiques différentes, on peut être un peu perturbé à ne pas voir certaines règles typographiques qui, inconsciemment, font partie de notre acte de lecture. Donc voilà, ça c'est déjà un élément de respect des normes pour fluidifier la lecture. Alors ce qui était assez amusant, c'est que dans mes recherches, je suis tombée sur un site d'un graphiste qui établissait 13 règles de la bonne typographie pour le web, avec une orthographe tout à fait déplorable. Et finalement, on n'arrive pas à lire, donc l'un ne va pas sans l'autre. Et voilà, donc c'était amusant. Je ne vais pas vous montrer, ça ne sert à rien. Donc voilà. Et après, ces règles, bien entendu, évoluent avec la norme. Maintenant, on va plutôt écrire ONU sans les points séparants O, N et U. Donc finalement, la règle absolue, c'est la cohérence du texte et son harmonisation. Ça, on le sait un peu. Alors maintenant, je vais aborder des éléments comme l'apostrophe, l'insécable, les guillemets. Donc l'apostrophe, c'est peut-être le signe le plus maltraité en termes de typographie. Les apostrophes peuvent être rondes et ne sont pas droites, alors qu'il est très simple. On voit partout des... C'est en raison des logiciels de traitement de texte, peut-être de la presse également qui utilise dans certaines presses l'apostrophe droite. Il faut faire attention à ça. Donc essayons de faire en sorte d'utiliser des caractères typographiques justes et non pas des caractères hérités en fait de la dactylographie ou de ce genre de choses. Espace insécable, espace fine. Alors moi j'ai vu dans un certain nombre de sites des vraies recommandations d'écriture pour le web où les gens disaient supprimons les espaces insécables de toutes les manières, c'est pas utilisé, donc adaptons-nous aux normes anglo-saxonnes et arrêtons d'utiliser l'espace devant les ponctuations par exemple. Voilà, je pense que c'est faux, il faut respecter les normes typographiques de la langue française, c'est important, et insérer un espace insécable à la place d'un espace simple, c'est tout à fait possible et facile. Donc voilà, les espaces insécables, la difficulté, alors on distingue beaucoup plusieurs types d'espaces. L'Unicode contient 5 différents types d'espaces dans ses caractères. On a l'espace normal, l'espace insécable, l'espace fine. Cinq espaces différentes, l'espace de ponctuation et R. La difficulté, comme une personne le disait tout à l'heure, c'est que les espaces, notamment insécables et fines, ne sont pas interprétés de la même manière par les navigateurs. On en revient toujours au même problème de l'interprétation par les navigateurs de caractères. Donc effectivement, l'espace fine insécable va peut-être être étiré, l'espace insécable ne va pas être affiché de la même manière sur tel ou tel ou tel navigateur, mais bon, soyons optimistes ou pas, on peut quand même espérer peut-être une harmonisation à l'avenir, et c'est toujours mieux, dans tous les cas, c'est toujours mieux de mettre une insécable que de ne rien mettre du tout ou de mettre un espace simple. Donc, dans tous les cas, plutôt que si on abandonne l'espace fine, même si c'est possible de mettre des espaces fines en ligne, préférer l'espace insécable, c'est toujours mieux. Et donc, ne remettons pas en cause nos manières d'écrire sous prétexte que peu de gens le pratiquent, je pense. C'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut aller, dans la formation, et les gens peuvent assez vite être sensibilisés, les rédacteurs de contenu, à ces questions-là. Bon, après, il y a la question des guillemets. On voit aussi beaucoup apparaître les guillemets droits, ou bien une multiplication de guillemets, de différents types de guillemets dans les textes. Alors que si on peut très bien indiquer des guillemets à la française, l'utilisation des capitales, on voit aussi beaucoup de recommandations. Les gens disent arrêtons d'accentuer les capitales parce que dans la presse on fait comme ça et puis c'est mal fait. Donc là, moi, je pense aussi que c'est quelque chose qu'il faut éviter. Accentuons les capitales. Il y a des caractères qui sont faits pour ça. Il suffit de mieux connaître en fait. Les outils, les traitements de texte, de savoir où chercher les caractères et comment les insérer et comment les mettre en place. Alors là, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour les éléments de typographie, plutôt de micro-typographie. Ensuite, je vais aborder... Je vais voir si j'ai pas... Alors, je vais aborder donc maintenant la composition des sites web, comment améliorer la lecture de l'information, la compréhension de l'information, et c'est ce que je vais appeler la macro-typographie. Bon, c'est un concept qui est peut-être encore un peu flou, peut-être encore à préciser, mais qui me semble assez intéressant. C'est de dire qu'en fait, la typographie, ce n'est pas que le texte, ce n'est pas que le choix de police, c'est aussi également un contexte global. De la manière qu'on va concevoir une typographie pour une page de titre, un ouvrage, on va peut-être essayer de penser la page web comme une composition typographique, justement, essayer de voir, de prendre cet axe-là plutôt que comme une marque graphique. Donc, de voir, de prendre le paramètre de la typographie dans la conception même des sites web. Et c'est ce qu'on voit là dans les sites, comme ici par exemple. On a très peu d'images, on a principalement de la typographie. L'interface, et bon, c'est pas un modèle, hein, mais ce sont des possibilités. De se dire, eh bien, faisons des interfaces de texte principalement. Essayons de mettre ça en place plutôt que de faire forcément des affiches ou du graphisme ou une décoration. Là, la macrotypographie, c'est vraiment la manière de présenter, de hiérarchiser, de valoriser le texte dans son ensemble, la structure et les différentes composantes de l'information. Alors, avant tout, on va peut-être faire un petit retour sur le processus de lecture et voir, déjà, on va aborder la verticalité de la page web, la notion de paragraphe, des marqueurs de page. Donc, l'édition électronique diffère en grande partie de l'édition papier par, justement, le domaine de l'organisation spatiale des éléments. Donc, il faut penser l'organisation spatiale différemment. Mais dans la composition d'une page web, qu'est-ce qui importe ? C'est on cherche à influencer l'ordre de lecture et des fixations oculaires. On va chercher à avoir des règles de mise en page, des enrichissements visuographiques, une organisation de l'information pour orienter justement le lecteur dans le site. Alors là, je vais revenir à un élément de la lecture qui est une lecture. La lecture n'est pas linéaire. Elle peut être aussi, c'est aussi une question de mémorisation spatiale et de lecture en saccade. Donc là, malheureusement, j'ai plus l'image. L'idée de cette lecture en saccade, c'est que la lecture peut être régressive. Quand on a une phrase qui est un peu ambiguë, qui est un peu complexe, avec une syntaxe un peu particulière, l'œil, on va regarder, lire la proposition et revenir peut-être au premier mot de la ligne pour ensuite continuer la lecture. Donc la lecture n'est pas que linéaire, elle revient en arrière, la lecture en cascade, et on compte, on dit que 10 à 15% du temps de lecture, et ce sont ces saccades régressives qui reviennent vers le début des lignes. Donc là, on a une notion de mémoire spatiale qui se rapporte tout à fait dans la longueur de la page. Donc par exemple, quand on lit une page, on peut facilement se dire, tiens, cette information-là, je m'en rappelle, elle est à peu près en haut, à droite, dans une page de droite. Cette information, je l'ai lue en bas sur le côté. Donc on va mémoriser l'endroit où l'information se situe. Et elle aide, donc c'est même cette mémoire spatiale qui aide le lecteur à se situer dans le document. Alors, dans la verticalité de la page web, comment ça se passe ? Donc là, c'est vraiment la problématique des sites web. C'est que, alors, certains disent, arrêtons d'écrire des textes longs. On va peut-être aller jusque-là. Mais voilà, le problème de la verticalité de la page web, c'est qu'on ne sait plus où est-ce qu'on se situe. L'effet de scrolling de la page avec la souris perturbe également la perception visuelle des paragraphes. On ne sait plus vraiment où on est, parce que où était l'information, on a du mal à se situer au niveau du document. Donc les coordonnées spatiales sont sans cesse modifiées, on n'a pas de repère, et le retour en arrière est très difficile. Une possibilité de retour en arrière, c'est bien entendu d'utiliser les moteurs de recherche des navigateurs, donc pour faire une recherche plein texte sur la page, mais ce n'est pas non plus extrêmement utilisé. Alors, à cette difficulté de la verticalité de la page, certaines personnes vont dire le paging, c'est la solution idéale. Qu'est-ce que le paging ? Le paging, c'est en fait de séparer, donc de définir en fait une hauteur de page et de séparer le document en autant de pages que nécessaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et beaucoup plus. Donc là, moi je suis tout à fait, pas tout à fait d'accord avec cette idée-là. Pourquoi ? Parce que le paging, c'est voir la page web comme étant dans une forme unique, encore une fois. On ne pense pas le texte comme un flux. On ne le pense pas dans d'autres écrans, d'autres, d'autres sorties, enfin, d'autres liseuses, etc. Faut aussi penser qu'il y a beaucoup de personnes qui, avec de grands écrans, retournent, mettent les écrans non pas en largeur, mettent les écrans de manière verticale pour voir justement la page d'une autre manière. Donc vraiment, le paging, c'est pour moi un peu un retour en arrière, d'essayer de mimer la page papier, de mimer une fixité du texte qui finalement n'existe plus vraiment sur le support électronique. Donc essayons de nous adapter, pallier au problème de la verticalité de la page, il faut trouver d'autres systèmes. Alors, l'idée serait peut-être de créer des ancrages spatiaux dans la page. Ça, c'est un élément très important dans la création de sites web, c'est de se dire, alors, créons des ancrages pour que le lecteur puisse se repérer, se rattacher à certaines choses. Créons aussi du blanc pour que la lecture soit pas perturbée, laissons le lecteur se reposer dans son acte de lecture, si possible. Donc là, on va parler un peu des marqueurs. Donc tout d'abord, le paragraphe. Alors, généralement, ce qu'on voit beaucoup sur Internet, dans l'édition électronique, ce qui n'est pas du tout pratiqué dans l'édition papier, c'est justement de fortes séparations entre les paragraphes. Ça, c'est quelque chose qu'on voit peu dans l'édition papier. On rassemble, on essaie d'avoir un gris cohérent dans toute la page. Mais là, vraiment, sur les sites web, c'est un choix qui est généralement fait et que je pense est assez juste. Donc ça, c'est encore mon avis, c'est son personnel, d'essayer de correctement séparer les paragraphes. Et il y a aussi souvent la question du retour chariot qui revient, du retrait, en début de paragraphe, là, qui a tendance à disparaître. Alors ça, bien entendu, on peut dire que c'est l'influence de la presse, c'est différentes influences des usages anglo-saxons. Là aussi, c'est pareil, de la même manière, on a décidé de supprimer ce renfoncement en début de paragraphe. Pourquoi ? Peut-être justement parce qu'il y avait un interlignage supplémentaire, enfin un espacement plus important dans le paragraphe. Ça, c'est un choix que nous avons fait. Sur d'autres sites web, on retrouve exactement les mêmes pratiques que pour le papier. Bon. Aussi, autre élément de nos choix typographiques, étant donné que nous mettons un numéro de paragraphe en début de paragraphe, on a estimé que c'était un peu complexe de mettre ce numéro de paragraphe et le renfoncement. C'était un peu trop appuyé, finalement, le début du paragraphe. Voilà, ça a été un peu notre cheminement. Pas forcément à suivre pour toute publication, mais ça a été un peu notre cheminement. Alors, j'aimerais juste revenir sur la notion de paragraphe, sur quelque chose que j'ai découvert en faisant des petites recherches. C'est qu'au tout début, on va revenir au Moyen-Âge, mais le paragraphe, c'était en fait un signe, donc le signe du paragraphe qu'on voit dans Word habituellement, qui était dessiné en rouge, et en fait, les paragraphes n'étaient pas du tout séparés. On avait du texte, le signe, et le paragraphe qui continuait, le paragraphe suivant qui continuait. Ensuite, avec justement l'arrivée de la typographie, il me semble que les paragraphes sont passés à la ligne. Le signe du paragraphe était toujours placé en début de paragraphe, d'où le renfoncement. Et ensuite, on a arrêté d'afficher le signe du paragraphe, de le dessiner en rouge. Donc, ce renfoncement est hérité un peu de cela. Donc, c'est assez étonnant. Et voilà. Donc voilà, là c'est un choix que nous avons fait, donc de déjà bien remarquer, distinguer les paragraphes les uns des autres et mettre des marqueurs. Donc pour nous, ce sont les numéros de paragraphes, ce sont des marqueurs de paragraphes. On peut effectivement se dire, tiens, je me suis arrêtée au paragraphe 5, je continue le fil de ma lecture à tel endroit, plutôt que d'essayer de repérer le texte. Alors, on a des marques. En termes de marqueurs de page, autre chose, ce sont tous les éléments du texte qu'il convient de marquer. Donc les citations, donc les différencier du reste. Bien hiérarchiser les niveaux de pitch, ça c'est essentiel pour marquer correctement. Ne pas hésiter à utiliser les images qui sont aussi des marqueurs dans les textes, des marqueurs spatiaux. Donc là par exemple, on a la citation qui est ici. Marqueur de page également, toutes les listes à puces. Ne pas hésiter à remplacer, à bien mettre en valeur les listes à puces, à les utiliser, parce que ce sont aussi des bons marqueurs de page. Là, on distingue aussi également la légende de l'illustration, ce genre de choses. Voilà, donc faut bien faire attention à ça. On voit beaucoup maintenant dans les blogs, et c'est très intéressant, la mise en exergue de citations, comme ce qui est fait dans la presse en fait. On voit des... Ouais, je vais peut-être prendre sur... On va trouver des exemples. Non, là, il n'y en a pas. Mais voilà, on voit souvent apparaître des portions de texte. Et je trouve ça très intéressant. Bon, c'est plutôt utile sur les blogs. C'est pas forcément toujours pertinent dans la publication de textes scientifiques. Mais ça permet de tout de suite mettre un focus sur une partie. Je vais essayer de... Bon, là, tant pis, je ne trouverai pas d'exemple. Alors ensuite, par exemple, on essaie de faire attention aussi à la mise en place des encadrés. Comment faire apparaître un encadré sur une page web, avec quel fond, dans quelle forme, etc. Donc bien faire attention à tous les éléments du texte. Alors, on peut aussi travailler les éléments ergonomiques et de confort de lecture. Quelles sont les différentes stratégies de lecture ? On a toujours eu différentes stratégies de lecture. La lecture linéaire, la lecture de consultation, la lecture de recherche, la lecture d'informations courtes et précises. Le support électronique amène avec lui de nouvelles stratégies de lecture. Afin de mieux réfléchir à la... Donc, l'idée, c'est un peu de prendre en compte toutes ces différentes stratégies de lecture. Je pense au scanning, donc c'est quand on inspecte visuellement un document sans le lire, en couvrant une surface large. Le format HTML est tout à fait adapté à ça. Le browsing, c'est une lecture qui va suivre un chemin jusqu'au bout. On appelle ça le searching. On a beaucoup de termes là, mais bon, l'idée, c'est de comprendre un peu les différents parcours de lecture. C'est inspecter des zones privilégiées à la recherche d'une information précise. Donc on va faire une lecture non pas linéaire, mais plus précise sur différents passages. On peut aussi explorer un document sans but prédéfini. Donc toutes ces choses-là. Donc pour moi, l'important dans tout ça, c'est d'ergonomiquement trouver des solutions à tous ces types de lectures. Première chose, présenter un plan. Un plan d'un document, ça c'est une chose qu'on a mis en place très tôt dans nos maquettes à revue.org. C'est afin d'indiquer au lecteur quelle information il va trouver. Voilà. Là, on a un plan tout de suite, immédiatement disponible. Et c'est... Ce qui serait utile à ce niveau-là, c'est aussi une indication de la longueur du texte, parce que ça détermine la stratégie qu'on va adopter. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que je n'avais jamais pensé à... C'est vrai qu'on peut éventuellement évaluer la longueur par ça, mais c'est très, très, très... C'est tout à fait flou, avoir une idée. Ouais. Avoir... Mais comment calculer ça, justement ? Il faut trouver comment le... Ouais. Mais ça, c'est vraiment une indication. Ça serait... mais effectivement, ça serait très intéressant. C'est absolument déterminant, parce qu'autrement, on aura tendance à lire de façon très scanning. Mais après, justement, peut-être que, c'est là où je voulais en venir, ce qui est important, c'est de fournir plusieurs formats de lecture. C'est, voilà. Mais bon, je suis tout à fait d'accord avec vous d'indiquer la, enfin, trouver une solution pour indiquer la taille du texte en dehors de la page, parce qu'on n'a plus de page. Mais bon. Ça peut avoir un effet inverse, hein, de signaler l'extrême longueur d'un article. C'est que le chercheur, il va carrément zapper la page. Donc c'est peut-être à double tranchant. C'est un calibrage. Mais justement, si on constate que c'est quelque chose de vraiment très long et qu'on n'a pas le temps. Mais il s'arrêtera, s'il ne le sait pas en avance, s'il commence sa lecture, il l'arrêtera bien à un moment où il se rendra compte. Oui, mais je pense qu'il faut éviter de ne pas mettre trop de barrières à la lecture. Le calibrage. Si on met que l'article, la page a fait 55 000 caractères. Puis on ne sait pas forcément ce que ça veut dire non plus. Quand on fait des articles scientifiques, c'est à peu près. Ouais. Alors, un autre marqueur de page que je voulais vous montrer, et après, on va falloir qu'on s'arrête assez vite. Un exemple, c'est que nous, on a décidé justement pour essayer d'attirer l'œil du lecteur, c'est de mettre un premier paragraphe plus important, dans une police plus importante, parce qu'en général, pour soigner en fait l'accroche du document. Donc ça, on va essayer cette tentative-là d'accrocher par les premiers paragraphes le lecteur, et aussi de mettre en valeur la conclusion de l'article en mettant en conclusion une typographie peut-être plus grande, une police encore plus grande caractère. Et pour finir sur ma présentation, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien prendre en compte ces différentes stratégies de lecture, présupposées de lecture, et offrir plusieurs formats. Donc on va, par exemple, utiliser le format PDF ou le facsimilé de la revue, qui est un format qui peut être transportable, qu'on peut enregistrer sur son ordinateur. Fournir des formats imprimables directement à partir de la page web pour les gens qui vont imprimer directement plus facilement. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer de fournir le plus de formats possible qui correspondent à différents types de lecture. Une lecture linéaire va bien entendu, je pense, être plus simple si on télécharge le PDF, pas forcément à imprimer, mais peut-être simplement s'extraire de l'environnement web qui est perturbant pour lire à l'écran un document dans un autre format PDF ou autre. Donc voilà, pour conclure, simplement dire, voilà, et c'est de dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. L'idée, c'est de récupérer le plus de choses de notre héritage typographique, et peut-être d'innover et de poser des nouveaux jalons de vie de lisibilité des textes. Alors, bon, je ne sais pas si certaines personnes veulent peut-être présenter des choses ou montrer des expériences qu'ils ont faites pour clôturer ce... Parce que voilà, on est tous un peu les mains dans le cambouis, je pense, et... Des choses qui vous seraient importantes d'ajouter. Oui. Il y a une chose qui m'étonne, que c'est quand même toujours à interroger cette dépendance à l'égard du modèle du papier et du livre. Et il y a un article qui a été écrit par Guy Bonsip, qui est un designer graphique, mais qui a écrit ça peut-être il y a 15 ans, et qui disait, mais c'est très curieux, parce qu'en fait, le modèle du papier et du livre est très fort. Et déjà, à l'époque, lui qui travaillait dans ce domaine, il disait, on est en train de perdre conscience des potentialités à développer dans, disons, entre guillemets, dans la culture de l'écran. Mmh. Et c'est vrai que moi, je porte beaucoup d'attention à la typographie, sans doute pas assez, parce que je ne suis pas du métier, mais enfin, je m'efforce. Mais c'est vrai qu'on pourrait aussi se dire, enfin, quand on fréquente les sites internet, on voit aussi que finalement il y a énormément de manques en termes de design graphique et d'ergonomie d'interface. Ouais. Donc, moi je pense qu'on s'oriente vraiment vers une simplicité, une grande simplicité des sites. Mais la simplicité ne fait pas tout justement. C'est que des fois, il y a des gens qui optent pour la sobriété en imaginant que ça va résoudre leurs problèmes. Alors, c'est sûr que quand on arrive à être sobre et efficace, là... C'est ça. Enfin, je parle de simplicité, de la sobriété, mais c'est très difficile de faire des sites sobres, en fait. Oui, c'est pas le minimalisme, hein. Ça veut pas dire le minimalisme. Non, c'est... Par exemple, il y a des sites en art contemporain, souvent les sites web, sont volontairement minimalistes, très sobres, presque genre art conceptuel. Donc, il y a vraiment au niveau typo, il n'y a rien, quoi, en fait. Ils pensent que ça fait bien, Moi, quand j'ai des amis qui sont dans ce milieu-là, je leur dis, mais c'est un peu pauvre quand même. Bah, il faut faire ce genre de choses. C'est très difficile, en fait, d'arriver à un bon équilibre. Et c'est tout un travail, et il y a quand même beaucoup d'enrichissement. Mais il faut que le résultat arrive à une certaine sobriété et élégance. Mm-hmm. C'est pas le minimalisme, c'est encore autre chose. Oui, c'est pas le minimalisme. Et puis, par rapport à ce que vous disiez sur l'expérimentation de nouvelles formes de mise en page, d'écriture pour le web, il y a eu beaucoup de choses en fait depuis le début. Mais pour ce qui est de la lisibilité, des choses à lire, à montrer à l'écran, on est revenu en fait au papier. Et ce sont les typographes et les gens du papier qui ont repris le pouvoir sur le web. Et c'est une bonne nouvelle, ça. Et que les expérimentations un peu plus craquent, ça peut avoir des certaines applications dans des sites, j'allais dire, expérimentaux, artistiques, etc. Mais quand il s'agit de donner à lire un article de quotidien ou un article scientifique de revue, on est revenu là. Et d'ailleurs, je pense que sur ce que j'ai observé sur le web, les premiers qui ont vraiment réfléchi à ça, c'est les sites de quotidien. De quotidien, c'est eux qui ont pris le temps de dire on fait un peu n'importe quoi sur le web, ça va pas. Et c'est eux qui ont remis le truc en place. Et les web designers, en fait, ils s'inspirent beaucoup de ce qui a été fait sur les quotidiens en ligne. Je pense qu'il y a aussi alors les bonnes générations de web designers. Aussi. Enfin, les quotidiens, il y a quand même un exemple qui l'inverse de ce que tu dis, c'est Le Monde, aussi totalement torpillé par la publicité. On sent qu'il y a des tensions. Non, mais je veux dire, on sent qu'il y a des tensions au niveau de la lisibilité qui sont soit de cet ordre-là. Je veux dire, Le Monde, maintenant, il y a plus de publicité sur la page d'accueil que d'information. C'est plus lisible. Et inversement, il y a une autre tension qui est celle entre la pression du contenu par rapport au design. Je pense à la page d'accueil de la BNF, du site de la BNF. Oui, mais c'est le contraire. C'est le contre-exemple. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je discutais avec des gens de la BNF, ils m'ont expliqué, c'est tout le monde veut être en première page. Du coup, ça suppose une espèce d'inflation, c'est l'horreur du vide, mais c'est pas l'horreur du vide, justement. C'est pas mobilisé par un choix graphique, c'est je veux y être. Et du coup, la dimension, la lisibilité passe. C'est souvent le problème quand les sites web sont confiés, quand la décision des sites web sont confiés aux comités directoriaux, on arrive à des aberrations. Et on ne veut rien, je défie quiconque qui ne connaît pas bien leur DNF de trouver quelque chose. Je parlais des quotidiens pour répondre à ta question. En fait, c'est vrai que je parle plutôt d'une situation d'il y a 3, 4, 5 ans, en fait. C'est vrai que maintenant, c'est en train de changer. Et les sites de quotidien deviennent d'immenses portails. Et s'y retrouver sur les pages d'accueil, ça commence à devenir difficile. Mais il y a 3, 4, 5 ans, quand les sites de quotidien ont refait leur page, on a vu des nouvelles choses arriver sur la typo, qui étaient des grands progrès par rapport à ce que je pense que la typographie ne pourra fonctionner qu'avec un travail collaboratif. Avec les différentes compétences, les différents corps de métier. Parce que c'est quasiment les web designers qui sont à la fois compétents techniquement, graphiquement, éditorialement. C'est rare, quoi. Donc, je crois qu'on va peut-être s'arrêter sur ces mots.